La mort existe-t-elle encore ? Ce n'est pas de la pierre taillée, ce n'est pas une tête d'Aphrodite, ni le corps démembré de Dionysos, ni le corps décapité de Zeus, ses bras croisés sur son torse. Cela est un assassinat chiffré. Cela est le massacre de la mort.